Abhigante Pratikante Sambhajana Kari Hoti, I have already explained in going forward and going back. A yogi applies clear comprehension, looking straight on, looking sideways. A yogi apply clear comprehension. Then bending, stretching limbs. A yogi apply clear comprehension. Je vous ai déjà expliqué comment le yogi doit appliquer la claire compréhension lorsqu'il effectue un mouvement vers l'avant et lorsqu'il effectue un mouvement vers l'arrière. Comment le yogi doit appliquer la claire compréhension lorsqu'il porte le regard soit devant lui, soit sur le côté. Et comment le yogi doit appliquer la claire compréhension au moment où il étend la main et où il la ramène. Aujourd'hui, je vais donc poursuivre mon enseignement au sujet des sampajanyas. Lorsque le bhikkhu se revêt de sa robe, il doit le faire avec la claire compréhension. Lorsqu'il se munit de son bol à aumône, il doit le faire avec la claire compréhension. Ces instructions s'appliquent également aux laïcs. Lorsque le laïc va se revêtir de ses vêtements, il devra le faire avec la claire compréhension. Il devra également appliquer la claire compréhension dans tous les mouvements qu'il sera amené à faire tout au long de la journée, comme par exemple, lacer ses chaussures, porter quelque chose. Le yogi devra également être attentif au moment du repas. Il devra manger avec attention. Ceci veut dire qu'il devra être attentif à tous les mouvements qu'il sera amené à faire, comme par exemple, regarder la nourriture. Il doit noter « regarder »,« regarder ». Lorsqu'il rassemble la nourriture sur l'assiette, il doit noter « rassembler »,« assembler ». Lorsqu'il porte la nourriture à la bouche, il doit noter « porter »,« porter ». Lorsqu'il ouvre la bouche, « ouvrir »,« ouvrir ». Lorsqu'il dépose la nourriture dans la bouche, « déposer »,« déposer ». Lorsqu'il mâche, « mâcher »,« mâcher ». Lorsqu'il avale, « avaler »,« avaler ». S'il procède ainsi, il applique la claire compréhension au moment où il prend son repas. Noter ainsi les différents mouvements, c'est appliquer l'attention de façon générale lorsque vous prenez votre repas. Mais vous pouvez être attentif de façon plus détaillée. Vous noterez alors chaque fois l'intention qui précède le mouvement. Avant de regarder, vous avez l'intention de le faire. Vous devez donc d'abord noter l'intention de regarder, et ensuite seulement regarder, regarder. Avant de rassembler la nourriture sur l'assiette, vous avez l'intention de le faire. Vous notez d'abord cette intention de rassembler, et ensuite seulement le mouvement de rassembler. Avant de porter la nourriture à la bouche, vous avez l'intention de le faire. Vous notez « intention de porter »,« intention de porter » et ensuite seulement « porter »,« porter ». Avant d'ouvrir la bouche, vous avez l'intention de le faire et vous notez « intention d'ouvrir la bouche »,« intention d'ouvrir la bouche » et ensuite seulement « ouvrir »,« ouvrir ». Avant de déposer la nourriture, vous avez l'intention de le faire et vous notez « intention de déposer la nourriture ». Et ensuite seulement, déposer, déposer. Avant de mâcher, vous avez l'intention de le faire et vous notez, intention de mâcher. Et ensuite seulement, mâcher, mâcher. Avant d'avaler, vous avez l'intention de le faire et vous notez, intention d'avaler. Et ensuite seulement, avaler, avaler. Ceci, c'est appliquer la claire compréhension en détail lorsqu'on prend son repas. Lorsque vous appliquez l'attention générale en mangeant, le goût va vous apparaître très clairement. Le goût des aliments va devenir très manifeste parce que vous êtes très attentif. La langue est très sensible et perçoit très vite l'amer, le doux, le piquant, d'autant plus que vous êtes très attentif. Si donc au moment où vous prenez votre repas, vous notez attentivement, y compris l'intention, si vous êtes très attentif au moment où vous mangez, vous comprendrez les choses telles qu'elles sont. Vous vous comprendrez vous-même. Vous ne serez plus très sensible au goût. Le goût des aliments va passer inaperçu, parce que vous êtes très attentif à tous vos mouvements. Vous aurez l'impression que vous devez noter un très grand nombre d'objets. Vous verrez que le fait de manger est dukkha, une véritable souffrance, tant il y a de choses à noter. C'est pénible de devoir noter toutes ces choses. Mais si votre attention n'est pas développée, si votre sadda, votre confiance n'est pas forte, vous n'aurez pas envie de noter tous ces mouvements en détail. Vous vous direz « j'ai faim » et vous mangerez sans être attentif. Vous ne noterez pas le fait de voir la nourriture sur la table, vous ne noterez pas le fait de rassembler les aliments sur l'assiette, vous ne noterez pas le fait de porter ces aliments à la bouche, d'ouvrir la bouche, de mâcher, d'avaler, etc. Vous ne noterez pas tous ces mouvements. Mais si vous êtes très attentif, vous les noterez et vous comprendrez que le fait de manger est dukkha. Tôt ou tard, vous comprendrez dukkha au moment où vous prenez votre repas. La langue est très sensible. Si nous mangeons attentivement, nous pourrons percevoir très facilement les différents goûts, comme le doux, l'amer, le piquant, etc. Dans une seule cuillerée de soupe, vous pourrez reconnaître tout ce qui s'y trouve. Ici, nous essayons d'être attentifs, ce qui veut dire que nous essayons de comprendre ce qui se passe dans notre propre corps et dans notre propre esprit. Mais si nous ne pratiquons pas, que nous n'essayons pas d'être attentifs, l'esprit sera impur parce que constamment envahi par les empêchements. Il y aura constamment dans l'esprit du désir, de la colère, de l'agitation, de la somnolence, de l'agitation et du doute. Mais lorsqu'on pratique et qu'on est attentif, l'esprit va progressivement se purifier. Les empêchements vont disparaître et le méditant sera en mesure de voir l'intention et de voir le mouvement très clairement. Il est capable de percevoir les processus mentaux eux-mêmes. Il voit les objets qui apparaissent et disparaissent constamment. Lorsque le méditant note « porter la nourriture à la bouche, porter la nourriture à la bouche », il est capable de voir les différents mouvements. Il est capable de voir tous les changements. Mais il est également capable de percevoir les sensations qui se manifestent par exemple dans la main. Et s'il en est capable, c'est parce que son esprit est devenu très pur. Un esprit pur et clair perçoit aussi rapidement que la langue. À l'interview, les méditants ont exprimé qu'ils avaient ressenti des sensations comme de la dureté, du froid, etc. S'ils ont été capables d'expliquer tout cela à l'entretien, cela prouve qu'ils ont noté très attentivement. Si on ne pratique pas la méditation, si on n'applique pas l'attention au moment où l'on prend son repas, lorsque ce repas sera bon, inévitablement nous allons nous mettre à l'aimer. Nous aimerons manger. Aimer manger, c'est l'avidité. Nous voudrons toujours plus, nous ne pourrons pas nous arrêter de manger. Et lorsque le repas sera mauvais, nous serons déçus, il y aura de l'aversion, de la colère. Nous n'aimerons pas cette nourriture. En plus de cela, si on n'est pas attentif, on ne réussira pas à dépasser les concepts du « je »,« mon », »,« mien ». Mais vous qui êtes ici, vous notez attentivement au moment où vous prenez votre repas. Au début, vous allez probablement reconnaître les aliments, le goût des aliments. Mais lorsque votre attention se sera renforcée et que vous serez devenu capable de noter l'intention, vous ne reconnaîtrez plus les goûts. À l'entretien, les méditants expliquent qu'ils ne reconnaissent pas le goût des aliments. De cette façon, ils ne développent aucun attachement pour la nourriture. Lorsque la nourriture est mauvaise, ils ne se fâchent pas. Et de plus, ils sont capables de voir que le simple fait de manger et dukkha. Parfois, vous n'aurez pas d'appétit, la nourriture ne vous plaira pas trop, et vous n'aurez pas trop envie de manger. Mais vous allez cependant vous forcer à manger en étant très attentif. Vous acceptez de manger attentivement, tout simplement pour éviter de tomber malade et pour pouvoir continuer à pratiquer la méditation. Vous ne vous plaignez pas et vous avez alors la possibilité de comprendre clairement au moment où vous mangez. Et c'est la même chose lorsque vous boirez. Lorsque vous prenez des boissons, vous devez le faire en étant très attentif. Vous devez observer et noter tous les mouvements que vous êtes amené à faire. Vous notez mentalement, boire, boire, avec attention. De cette façon, vous pourrez comprendre tôt ou tard l'élément eau. Vous comprendrez la fraîcheur, le froid. Vous comprendrez le changement. Vous comprendrez que rien ne dure. Si vous pratiquez la claire compréhension au moment où vous buvez, il n'y aura pas de confusion dans votre esprit. Après le repas ou à tout autre moment dans la journée, vous aurez besoin de satisfaire des besoins naturels. Là aussi, vous devrez appliquer la claire compréhension. Si vous appliquez la claire compréhension au moment où vous satisfaisez vos besoins naturels, vous comprendrez, vous percevrez clairement le Dhamma. Vous comprendrez le mouvement, l'élément air. Ne pensez pas qu'au moment où vous satisfaisez des besoins naturels, vous pouvez vous permettre de ne plus être attentif. Lorsque vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous expérimentez l'élément air dans l'abdomen. Lorsque vous notez se lever, passer à la posture assise, c'est également l'élément air que vous allez expérimenter. Lorsque vous ramenez la main ou que vous l'éloignez de vous, c'est de nouveau l'élément air que vous observez. Parfois, certains méditants sont capables d'expérimenter l'élément air dans un simple clignement des yeux. Lorsqu'il y a de l'air qui remonte dans l'œsophage ou qui descend dans l'estomac, c'est également l'élément air que vous expérimentez. Ceux qui observent la respiration, les inspirations et les expirations observent l'élément air. Si vous êtes très attentif, vous pourrez voir toutes ces manifestations différentes de l'élément air. Et donc, finalement, lorsque vous marchez, lorsque vous êtes assis, lorsque vous êtes allongé, lorsque vous vous endormez, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous restez silencieux, tout cela doit être fait avec la claire compréhension. Nous avons déjà parlé de la marche, de la posture assise et de la posture debout. Pour ce qui est de la posture allongée, lorsque vous êtes allongé sur votre lit, prêt à vous endormir, vous devez noter dormir, dormir ou coucher, coucher. Pour le réveil, le matin, lorsque vous vous réveillez, vous devez noter se réveiller, se réveiller. Mais ceci est très difficile. Après quelque temps, vous allez progresser et bientôt, cela se fera automatiquement. Si vous prenez l'habitude d'emmener votre attention partout avec vous, il est même possible que vous notiez dans vos rêves. Ce n'est pas très important d'arriver à noter dans vos rêves, mais lorsque vous vous réveillez, vous devez prendre l'habitude d'être conscient et attentif. De cette façon, votre capacité à noter va se développer. Lorsque vous restez silencieux, vous devez également le noter. Silencieux, silencieux. La claire compréhension, c'est la traduction française du mot pali sampajana. Il faudra donc appliquer la claire compréhension non seulement lorsque vous serez assis, mais également lorsque vous marcherez et dans toutes les activités que vous serez amené à faire tout au long de la journée. Si vous appliquez la claire compréhension dans toutes vos activités, vous pouvez vous dire que votre pratique est devenue excellente. Vous comprendrez clairement à fond. il n'y aura pas de confusion dans votre esprit. La confiance va se manifester, la dévotion, la foi dans le Dhamma, mais également dans le Bouddha. Car lorsque vous voyez le Dhamma, vous voyez le Bouddha. Votre caractère va changer et vous comprendrez en quoi consiste vraiment la noble Sangha, l'Arya Sangha. Il y avait un moine ancien du nom de Wokali. Il était issu d'une famille de brahmanes. Ce Wokali s'était fait bhikkhu, non pas dans le but de pratiquer le Dhamma, mais pour pouvoir contempler facilement la personne du Bouddha. Il faut dire que le Bouddha était un homme très élégant et beau, et ce Wokali voulait donc toujours se trouver tout près du Bouddha pour pouvoir le contempler. Mais il ne pratiquait pas. Au début, le Bouddha ne lui dit rien, car il était nouveau dans la communauté des moines et ne connaissait pas encore la méditation. Mais juste avant le Vassa, le Bouddha s'adressa à Wokali. « Wokali, pourquoi me regardes-tu constamment? Ce corps est pourri, il n'est pas beau. » Et le Bouddha lui dit alors, « Celui qui ne voit pas le Dhamma ne me voit pas. Celui qui voit le Dhamma me voit. » Si donc nous réussissons à percevoir le Dhamma, la confiance va se développer et nous aurons automatiquement foi dans le Bouddha. Si vous êtes très attentif à tout ce qui se manifeste en vous, si vous avez la claire compréhension, vous aurez beaucoup de dévotion. Vous serez reconnaissant au Dhamma et au propriétaire du Dhamma, c'est-à-dire le Bouddha. Parfois, vous êtes en train de méditer et au lieu de noter, vous vous surprenez à vous encourager vous-même mentalement. Avant d'avoir progressé dans la méditation, il vous est souvent arrivé de penser à toutes sortes de choses, sauf au Dhamma. Mais maintenant que votre pratique s'est développée, vous pensez délibérément à des choses positives. Vous vous dites par exemple que vous avez beaucoup de chance d'avoir pu entrer en contact avec l'enseignement du Bouddha. Vous vous dites que vous avez beaucoup de chance d'avoir l'occasion de pratiquer la méditation. Vous allez même parfois vous mettre à encourager vos proches à pratiquer. Parfois, vous voudrez même renoncer et vous faire moine. Parfois, vous vous imaginez donnant des enseignements. Tout ceci est normal lorsque l'attention est devenue très forte. Maintenant que la retraite est sur le point de se terminer, vous pouvez voir par vous-même dans quelle mesure vous avez progressé. Essayez de vous poser la question de savoir ce que vous avez obtenu pendant ces 10 jours. Mais sachez que vous avez reçu beaucoup. Inconsciemment sans doute. Comment pouvez-vous savoir dans quelle mesure vous avez récolté des bénéfices pendant ces 10 jours? Je vais vous l'expliquer. Avant de venir ici, vous aviez l'intention de séjourner pendant quelque temps à Dhammarantsi. Vous vous êtes dit par exemple, j'irai au centre Dhammarantsi de telle à telle date. Cette intention, c'est déjà une kusala. Une action méritoire. Vous n'avez pas encore pratiqué, mais l'intention positive est déjà présente dans votre esprit. Vous êtes ensuite arrivé au centre, vous avez rendu hommage au Bouddha, non pas à la statue, mais aux qualités du Bouddha, aux qualités du Dhamma et aux qualités de la Sangha. Rendre ainsi hommage au triple joyau, c'est également une kusala. Vous êtes humble face au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha. Vous avez ensuite pris les 9 préceptes, 8 préceptes plus le précepte qui consiste à irradier l'amour universel. Vous avez donc accepté d'être des personnes vertueuses. Ceci, c'est sila kusala, des actions méritoires liées à la pratique de sila. Vous avez ensuite écouté les enseignements, vous avez fourni à chaque instant un effort pour être attentif sans interruption, Même si vous n'y êtes pas arrivé, vous avez malgré tout fourni cet effort. Cet effort, c'est Samavayama, l'effort juste. Vous avez également offert Dana aux yogis. Les yogis sont des personnes qui essayent de se débarrasser des impuretés, qui s'efforcent de comprendre le Dhamma. Vous avez donc pratiqué Dana Kusala, Sila Kusala, Bhavana Kusala. Vous avez reçu toutes ces Kusala au moment où vous vous trouviez ici. Les yogis et le professeur ont pu pratiquer la méditation et enseigner le Dhamma sans se soucier des repas, grâce aux bénévoles qui ont assuré la préparation des repas. Si les bénévoles n'avaient pas été là, les méditants auraient dû cuisiner eux-mêmes, se rendre au magasin, et ils n'auraient pas eu le temps de pratiquer. Mais la pratique est très importante pour eux. L'enseignement est très important pour le professeur. C'est pour toutes ces raisons que pouvoir bénéficier de l'aide de bénévoles est très précieux. Ces bénévoles ont également accumulé des kusala. Quel que soit le type de kusala que vous avez accumulé pendant ces 10 jours, ces mérites resteront avec vous. Ils resteront en vous et porteront leurs fruits jusqu'au moment où vous aurez atteint Nibbana. Vous avez fait beaucoup de kusala pendant cette retraite. Les effets de ces kusala resteront en vous jusqu'à ce que vous ayez atteint Nibbana. Le Bouddha nous assure que si nous pratiquons, nous pouvons atteindre l'illumination dans cette vie même. That's enough for today. May you be well, happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Puissiez-vous tous être heureux et en paix. Puissiez-vous tous être capables de pratiquer correctement la méditation. Puissiez-vous tous comprendre clairement le Dhamma et atteindre Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.